وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc voici la traduction résumée de l'allocution de Cheikh Arafat, Hafidhahullah. Le Cheikh commença cette allocution par louer Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, il définit le terme « aqida », donc la croyance, d'un point de vue linguistique, pour ensuite dire « Et lorsque le terme « croyance » est mentionné, il désigne la foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, ses livres et le reste des fondements de la foi, tels que le destin et les choses de l'invisible. Et les gens de la sunna rendent obligatoire la compréhension des compagnons, et ils s'appuient sur les paroles des compagnons, car ils sont les plus savants de cette révélation. Ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran fut révélé, et les compagnons étaient autour de lui. Ils écoutaient le Coran, le mémorisaient, et le comprenaient. Et lorsque quelque chose leur posait problème, ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prenaient les textes, et croyaient en leur sens apparent, et en ce qu'ils indiquent, sans s'obstiner, sans débattre, sans leur donner une mauvaise interprétation et sans renier leur sens. Mais plutôt, ils se soumettaient à l'ensemble des textes. Ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était la meilleure des compagnies. Ce sont les meilleures personnes après les prophètes. C'est pour cela que les gens de la sunna disent qu'il est obligatoire de comprendre les textes comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont compris. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges et il a fait l'éloge de leur foi. Il les a aussi mentionnés dans la Torah et dans l'Évangile. Et tu ne trouveras pas un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'Allah ne lui ait donné une grande science et une grande compréhension. Allah les a agréés et les a pris comme assistants de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ne choisit pour son prophète que des gens dignes d'accompagner son prophète. Les gens de la sunna donnent une grande importance à la croyance et connaissent la valeur des compagnons et la connaissance des compagnons de cette croyance immense. Et à la tête de cette croyance, nous avons l'unicité, la ilaha illallah, cette parole immense dont son sens est qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole a de nombreux mérites et de nombreuses particularités. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons lors du pèlerinage, « La meilleure des paroles que nous avons dit avec les prophètes avant moi est la ilaha illallah. » Et cette parole a des mérites, des conditions et des annulatifs et elle a une place immense dans la religion. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans les choses de la croyance. Et nous avons mentionné précédemment que les prophètes sont venus avec une seule croyance, et en tête de celle-ci, nous avons le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun » Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler « Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi » Adorez-moi donc. Et lorsque nous regardons les preuves du Coran et de la Sunna, nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné d'immenses mérites de cette parole. Il convient donc aux musulmans de lui donner une grande importance. Cette parole pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures, pour laquelle il a envoyé les prophètes et a fait descendre les livres. Quiconque prononce cette parole et croit en elle de manière apparente et cachée, sera dans le plus grand bienfait, car c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à ses serviteurs, le fait qu'il les a guidés à la concrétisation de cette parole. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi » أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir, il n'y a de divinité digne d'être adorée que moi, Craignez-moi donc. Et certains savants du tefsir mentionnent que dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa asbara alaykum ni'amahu zahiratan wa batina » et qu'il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, ce qui est voulu par ce bienfait, c'est « La ilaha illallah » car cette parole est apparente sur les langues, en termes de parole, tout comme elle est apparente sur les corps, en termes d'œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas comblé ses serviteurs d'un plus grand bienfait que de leur avoir fait connaître cette parole. La ilaha illallah, qui élance la plus solide. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit au Tarut et croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. C'est aussi la parole qui perdure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en parlant du prophète Ibrahim alayhi salam. Il dit وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi ses descendants afin qu'ils reviennent. C'est aussi l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Les mécréants ne disposeront aucunement de l'intercession dont ne jouira que celui qui aura pris un engagement avec le miséricordieux. C'est aussi la parole de piété qui fut mentionnée dans le verset وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus adeptes. C'est aussi la parole ferme. Allah subhanahu wa ta'ala dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Les mérites de cette parole sont nombreux dans le Coran. Et dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il est obligatoire pour tout musulman de donner une importance particulière à cette croyance immense, tout comme il nous a montré qu'il est obligatoire de savoir que la première chose qui fait entrer la personne en islam est la parole d'unicité. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, ils auront alors préservé de moi leur sang et leurs biens, si ce n'est par un droit de l'islam, et c'est Allah qui leur demandera des comptes. » Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné sur quoi l'islam est bâti, il a cité en premier les deux attestations. Ces deux attestations sont aussi la branche la plus élevée de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée » si ce n'est Allah. » C'est aussi la meilleure évocation, comme cela est venu dans certains hadiths que certains savants jugent bons, tels que Cheikh Al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure évocation est la ilaha illallah » et c'est la parole la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle fait partie des meilleures bonnes actions. Comme cela est venu dans certaines versions que nous retrouvons dans le Mousnad de l'imam Ahmed, celui qui dit « La ilaha illallah » a préservé sa personne et ses biens. Si nous avions étudié cette parole, nous aurions su qu'il est obligatoire de lui donner beaucoup d'importance. Et au contraire, qu'est-ce qui s'oppose à cette parole? Donc le cheikh répond et dit « C'est le polythéisme. Le polythéisme est ignoble et dangereux. » Et ses causes sont nombreuses. Il est obligatoire de protéger le tawhid du polythéisme en étudiant ce qui mène au polythéisme, car la connaissance du tawhid n'est pas possible sans la connaissance de son contraire, qui est le polythéisme. Et nous savons que le polythéisme est un rabaissement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tallahi in kunna lafi dalalim mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin » Par Allah, nous étions dans un égarement manifeste lorsque nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Donc les opposants diront cette parole lorsqu'ils se disputeront en enfer. Ils vont donc reconnaître qu'ils donnaient des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé que le polythéisme est la plus grande injustice. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Inna shirka la zulmun azim » Le polythéisme est une injustice immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les actions de celui qui a fait du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu attribues un associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui meurt sur le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. La dangerosité du shirk apparaît lorsqu'on sait que celui qui meurt sur le polythéisme reste éternellement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar » Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, et sa destination finale est l'enfer, et pour les injustes, il n'est point de secoureur. Il y a différents types de polythéisme, et ces voies sont nombreuses. Nous n'avons pas assez de temps pour mentionner cela. Malgré ça, j'aimerais clôturer cette allocution en disant que la base du polythéisme est aussi l'une de ses plus grandes causes, et l'exagération envers les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'histoire du prophète Nuh, et de quelle manière sont-ils tombés dans le polythéisme, notamment en fabriquant des statues à l'effigie de certains pieux de leur peuple, puis en les adorant en dehors d'Allah. De même pour le polythéisme des polythéistes de Quraysh, un homme du nom de Amr ibn Luhay a introduit des idoles dans la péninsule arabique. Ils ont fini par être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens avaient même la conviction que ces idoles allaient les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils comportaient dans chaque idole une âme. Et ceci est de l'exagération. Et il y a aussi dans cela le fait d'avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir une mauvaise pensée d'Allah fait partie des plus grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, qui nourrissent de mauvaises pensées concernant Allah, le mal qu'ils imaginent se retournera contre eux. Allah est en colère contre eux. Il les maudit. Il leur réserve la géhenne. Et quelle mauvaise destination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé l'unicité en mettant en garde contre le polythéisme et contre toute voie et moyen y menant. Aujourd'hui, nous avons donné la possibilité à nos enfants d'utiliser les moyens de communication. Et certains diables parmi les juifs et les chrétiens et autres y introduisent certaines choses pour combattre cette croyance. Et c'est triste de constater que certains musulmans ne font pas attention à cela. Leurs enfants entrent dans ces moyens de communication et lisent beaucoup de choses qui corrompent leurs croyances. Et par cela, ils réussissent à combattre notre croyance, et ceci dans nos demeures. Il est donc obligatoire de surveiller nos enfants. Que lisent-ils? Qu'écoutent-ils? La croyance de beaucoup de personnes a changé. Certains sont devenus athées, tandis que d'autres ont maintenant la conviction que l'islam est une prison, ou bien que l'âme est emprisonnée à cause de l'islam. Lorsque certaines personnes ont vu que combattre la croyance n'était pas profitable, ils se sont tournés vers tout ce qui est en lien avec la femme, et ils ont corrompu la femme musulmane, et ils lui ont ordonné de sortir de chez elle, tout comme ils ont rendu licite la fornication. Après cela, ils se sont tournés vers l'alcool et les drogues, pour ensuite se tourner vers la dissension des familles et des liens qui les unissent. Et si nous connaissons l'unicité et le polythéisme, et mettons en garde contre celui-ci, il nous est obligatoire de faire attention à nos enfants et de les protéger, comme nous protégeons cette croyance immense. Il nous est donc obligatoire de les protéger du mal de ces personnes.